Chapitre 3e. Amour. Mademoiselle, disait Givry, le surlendemain, à Violaine, avec qui il se trouvait seul dans le salon de l'hôtel de Mauvilliers. Votre père ne revient pas. Souffrez que je me retire. Si vite? Mon père ne saurait tarder. Il était mandé pour des affaires qui doivent prendre fin à la vesprée. Il me faut songer à nos préparatifs pour gagner le royaume de Navarre. Et il en est temps. Certes, notre Henri nous attend. Il vous accordera bien quelques heures de plus, dit Violaine avec un sourire. Attendez encore, messire. Monsieur de Pontréal arrivera sans doute dans un instant. C'est un fort galant cavalier, déclara Roselin avec feu. J'ai pour lui beaucoup d'affection et d'estime. Et puis il est seul sur la terre, sans famille, sans parents, sans soutien. Pauvre jeune homme, murmura mademoiselle de Mauvilliers avec une compassion tendre. Je sais, il m'a raconté tout son passé. Ah, fit le baron, et ne trouvez-vous pas, mademoiselle, que le chevalier est digne d'acquérir la faveur d'un cœur généreux et sincère? Je souhaite qu'il rencontre bientôt une jeune fille capable de le comprendre, de l'apprécier, de lui donner tout l'amour qui lui est dû et de lui consacrer toute son existence. Violaine baissa sa jolie tête, subitement pâlie. Mais voilà, reprit Belcoeur, les jeunes filles d'aujourd'hui cherchent autre chose en leur mari que le courage, la loyauté, la bonté, la tendresse. Elle s'inquiète de sa richesse, de son nom, de son esprit mondain. Ce ne sont pas là cependant les vrais éléments du bonheur. Oh, se récria Violaine, ne croyez pas, monsieur de Givry, que toutes les jeunes filles soient semblables à celles dont vous parlez. Roselin sourit avec incrédulité. Ah, mademoiselle, vous êtes bien inexpérimentée pour me démentir sur cette matière. Voyons, connaissez-vous une créature capable d'aimer sans tenir compte? J'en connais. Au moins une? Oh, vite, je vous en conjure, nommez-moi cette perle rare. Mais vous ne le pourrez, et je doute qu'au Pontréal la rencontre jamais. Qui sait? Répondit malicieusement la jeune fille. Est-ce possible? Je crois avoir deviné. Cette femme, ce serait... Violaine l'arrêta vivement d'un geste. Je vous en prie, messire. Sa confusion était charmante. Belcoeur se pencha vers elle, et suivant la pensée de Violaine comme à travers un cristal. Il m'a déjà pris pour confident de son amour. Ne mériterais-je pas, de votre part, la même confiance? Et comme elle se taisait, bouleversée d'un chaste témoin qui soulevait son corsage, je vois plus clair en vous que vous-même. Dois-je, pour vous donner du courage, vous répéter ce qu'il me dit 20, 30 fois par jour? Non, non, fit-elle, suppliante. Alors vous ne voulez pas que je fasse votre bonheur à tous les deux? La tête cachée entre ses mains, Violaine pleurait d'attendrissement. La voix de Givry se fit affectueuse, plus insinuante encore, éveillant dans l'âme de la jeune fille des échos assoupis. « Enfant, murmura-t-il, vous aimez Hervé, il vous aime, et vous pleurez. »« J'ai peur, balbutia madame de Mauvilliers. De quoi donc? De tout, de mes parents, du monde, des hasards de la vie. » Vaine crainte, sûre de la tendresse d'un tel homme, vous pouvez aller devant vous avec sérénité, avec foi. Ainsi, mon enfant, vous aimez, mon cher Hervé? Ne me le faites pas dire, s'écria-t-elle avec une ingénuité adorable. Bien, sourit Belcoeur, mais puis-je lui répéter cet entretien? Violaine eut un geste de dénégation, à vrai dire, peu énergique. Pourtant, il serait très heureux, heureux au-delà de toute expression, et vous ne voulez pas lui donner cette joie magnifique? « Je ne dis pas cela. Cette parole est un flambeau qui me guide. Calmez-vous, mademoiselle. Votre secret est en bonne main. Je ne la révélerai qu'au seul être qui a le droit de le connaître. Que va-t-il penser de moi? Que vous êtes un ange? Il sera enivré de reconnaissance, éperdu de félicité, fou d'espoir. » « Alors, commença-t-elle, elle s'arrêta. « Eh bien, faites à votre guise, monsieur. » Et d'un bond, elle sortit du salon, qui parut assombri, alourdi, une fois privée de sa grâce lumineuse et légère. Belcoeur se hâta vers l'hôtellerie des trois rois mages. Lorsqu'il y arriva, Hervé revenait d'une course aux environs, car il ne cessait pas ses recherches au sujet de l'abbé Patrice. « D'où venez-vous ? » lui demanda Givry d'un air maussade. « De Muret. Là encore, mes espoirs ont été déçus. Je n'ai rien trouvé. » Le pauvre garçon paraissait désolé et là. « Il s'agit bien de cela, » continua Belcoeur sur le même ton. « Qu'êtes-vous allé faire hier au soir à l'hôtel de Mauvilliers ?»« Mais, » balbutia Hervé, effaré, « je suis allé rendre visite au lieutenant-gouverneur. »« Dites à sa fille Violaine. »« Vous le savez donc, Ah, vous avouez ? Quoi ? Que vous avez abusé de la confiance du lieutenant-gouverneur ? Que vous avez profité de ce que sa maison vous était ouverte pour ? Belcoeur s'arrêta, comme au comble de l'indignation. Pour ? Pour vous faire aimer de sa fille, parbleu ? Pour séduire cet ange de pureté ? Pour jeter le trouble dans cette âme naïve ? Qui vous a dit cela ? Fit Pontréal, interloqué. Elle-même. Ahuri par cette admonestation sévère, Pontréal chancela. Alors Belcoeur changea brusquement de ton. Il rit comme devait rire Pantagruel, et prenant Hervé par les deux épaules, « Oui, mon ami, Violaine, voici un quart d'heure à peine m'a avoué qu'elle vous aimait. Vous vous moquez de moi, Givry. Eh ! » fit Belcoeur, riant de plus belle, « que voilà, par ma foi, un drôle d'amoureux. » Il gémit de désespoir pour sa belle, et lorsqu'on vient lui apprendre qu'elle meurt d'amour pour lui, il veut pourfendre celui qui apporte la bonne nouvelle. « Roselin !» s'exclama Hervé, « par grâce, la vérité. » « Cornebique, depuis une heure, je vous la chante. Que diable, je n'ai pas inventé cela, moi. Mademoiselle de Mauvilliers m'a déclaré qu'elle vous aimait, qu'elle serait votre femme, que... Roselin, mon ami, vous êtes fou. Ah, c'est ainsi, fit Belcoeur. Eh bien, allez le lui demander à elle-même. Bonsoir. » Et il fit mine de monter à sa chambre, mais le chevalier s'élança, l'étreignant avec émotion, le suppliant de tout dire, d'être sérieux. Devant l'exaltation de son ami, Givry, plus grave, rapporta fidèlement son entretien avec mademoiselle de Mauvilliers. Ivre de joie, Hervé fit répéter 10 fois la scène. Il voulait courir vers Violaine, se jeter à ses pieds, lui jurer un amour éternel. Froidement, Belcoeur le contint. Ce n'est guère le moment. À cette heure-ci, Violaine doit être à table entre son père et sa mère. Ces paroles calmèrent l'enthousiasme de Pontréal. Mais il ne put manger miette au repas et passa une nuit à la fois atroce et délicieuse. Le lendemain, dès l'après-midi, il se présenta à l'hôtel de Mauvilliers. Godefroy le reçut avec l'affectueux respect qu'il vouait au défenseur de sa maîtresse depuis la nuit sanglante. « Mon maître est sorti, » annonça-t-il, « et madame de Mauvilliers, souffrante, garde la chambre. Mais mademoiselle est au salon où elle chante en s'accompagnant de l'épinette. » Le cœur bondissant, Hervé se dirigea vers le salon, ouvrit la porte d'une main timide et entra sans bruit. Il resta immobile, contemplant la jeune femme qui continuait une romance tourangelle. « Prenez tôt ce baiser, mon cœur, que ma maîtresse vous présente, la belle, bonne, jeune et gente, par sa très grande grâce et douceur. Comment se peut un pauvre cœur défendre quand deux beaux yeux le viennent assaillir ? Le cœur est seul, désarmé, nu et tendre, et les yeux sont bien armés de plaisir. » Tout à coup, elle eut la sensation d'une présence et brusquement se retourna. Un cri partit de sa gorge. En même temps, Hervé se précipitait vers elle. « Violaine !» Elle s'était dressée et couvrait son visage avec ses petites mains toutes frémissantes et ses bras blancs comme un lys. Enhardi, il prit les doigts de la jeune fille dans les siens, découvrit le joli visage en pourpre et d'émoi. « Mon adoré !» murmura-t-il avec ferveur. « Hervé » exhala-t-elle, défaillante. « Oui, ma Violaine, c'est moi, moi qui vous aime plus que tout au monde et qui n'osais pas vous le dire, qui ne sais encore vous l'exprimer. Je me demande si je vis, si je rêve. Je suis tellement folle de bonheur. Ma Violaine, comme je vous appartiens, comme je vous adore !» Elle l'écoutait, ravie, palpitante, l'ensorcelante chanson d'amour, et la femme, renaissant en elle, elle murmura. « Est-ce bien vrai ? Vrai, ma chérie ? Oh, ne doutez pas, ne doutez jamais de ma tendresse. Elle m'a fait souffrir déjà. Peut-être même me réserve-t-elle encore d'autres souffrances, plus cruelles. Mais je la garderai, je veux la garder, vivace, fidèle, immuable. » Violaine se grisait de ce langage si nouveau pour elle, et doux comme un concert d'archanges. Puis soudain, elle questionna, malicieuse, « Comment osez-vous me dire tout cela aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, balbutia-t-il, je sais, monsieur de Givry m'a dit, oh, ne m'effrayez pas, ce serait trop affreux. Quoi, vous, si brave, vous auriez peur d'une petite fille ? Oui, fit-il, pénétré de gravité, si cette petite fille me disait maintenant que je lui suis indifférent, cela serait si horrible que j'en mourrais sur l'heure. » La jeune fille fut toute remuée de ce cri poussé par une âme en détresse. À cette minute même, elle comprit la seule joie et la seule douleur qui vaille la peine de vivre. Elle tendit la main à Pontréal et lui dit simplement, mais avec quel accent profond, « Ne mourrez pas, je vous aime. » Il poussa un cri de victoire et, saisissant entre ses bras Violaine frémissante, il baisa follement le front pur et blanc, les paupières mi-closes qui battaient sous ses lèvres comme des ailes d'oiselet. Et dès lors, assis sur un canapé, ils psalmodièrent, au milieu de tout, la sublime litanie d'amour qu'ont répété les amoureux de tous les temps depuis que le monde est monde. Les minutes coulèrent, rapides, jusqu'à celles qui les forçaient de se quitter. Hervé rentra, transporté d'ivresse. Il s'informa de Roselin, à qui il voulait conter son bonheur. On lui répondit « Monsieur le baron de Givry est parti avec son écuyer. Il ne rentrera pas cette nuit. »